Troisième partie, chapitre 12 de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Troisième partie, chapitre 12, de la nécessité de la chasteté. La chasteté est le lys des vertus. Et dès cette vie, elle nous rend presque semblables aux anges. Partout, rien n'est beau que par la pureté, et la pureté des hommes est la chasteté. On appelle cette vertu honnêteté, et sa pratique honneur. On la nomme encore intégrité, et le vice qui lui est contraire, corruption. En un mot, elle a cette gloire entre toutes les vertus, qu'elle est tout ensemble la vertu de l'âme et du corps. Il n'est jamais permis de faire servir ses sens à un plaisir voluptueux, en quelque manière que ce soit, hors d'un légitime mariage, dont la sainteté puisse, par une juste compensation, réparer la perte que l'âme peut y souffrir de ce commerce sensuel. Encore faut-il y donner tant d'honnêteté à l'intention que la volonté n'en puisse recevoir aucune tâche. Le cœur chaste est semblable à la mer perle, laquelle ne reçoit aucune goutte d'eau qui ne vienne du ciel, car il ne souffre aucun plaisir que celui du mariage établi par le ciel. Hors de là, la seule pensée même ne lui en est pas permise. J'entends une pensée à laquelle la volupté porte et attache l'esprit volontairement. Pour le premier degré de cette vertu, jamais, fileté, ne souffrez volontairement rien de tout ce qui est défendu dans toute l'étendue de la volupté, comme, universellement parlant, tout ce qu'on en recherche hors de l'état du mariage, ou même ce qui est contraire aux règles de cet état. Pour le second degré, retranchez autant que vous pourrez toutes les délectations des sens superflues et inutiles, quoiqu'elles soient honnêtes et permises. Pour le troisième degré, n'attachez point votre affection à celles qui sont nécessaires et ordonnées, car bien qu'il faille s'assujettir à celles qui sont de l'institution et de la fin du saint mariage, il ne faut jamais y attacher l'esprit et le cœur. Au reste, cette vertu est incroyablement nécessaire à tous les états. Dans celui de la viduité, la chasteté doit être extrêmement généreuse, et pour le défendre du plaisir, non seulement à l'égard du présent et de l'avenir, mais encore à l'égard du passé, dont les idées toujours dangereuses rendent l'imagination plus susceptible des mauvaises impressions. C'est pourquoi saint Augustin admirait en son cher Alipius cette admirable pureté d'âme qu'il avait entièrement affranchie des sentiments et même des souvenirs de tous ces dérèglements passés. En effet, chacun sait bien qu'il est facile de conserver longtemps les fruits qui sont encore en leur entier. Mais pour peu qu'ils aient été flétris ou entamés, l'unique moyen de les bien garder, c'est de les confier au sucre ou au miel. Je dis aussi que l'on a plusieurs moyens de conserver avec sûreté la chasteté, tandis qu'elle a toute son intégrité, mais quand elle l'a une fois perdue, rien ne peut plus la conserver qu'une solide dévotion dont j'ai souvent comparé la douceur avec celle du miel. Dans l'état de la virginité, la chasteté demande une grande simplicité d'âme et une grande délicatesse de conscience, pour éloigner toutes sortes de pensées curieuses et pour s'élever au-dessus de tous les plaisirs sensuels par un mépris absolu et entier de tout ce que l'homme a de commun avec les bêtes et qu'elles ont même plus que lui. Que jamais donc ces âmes pures ne doutent en aucune manière que la chasteté ne leur soit incomparablement meilleure que tout ce qui est incompatible avec sa perfection. Car comme dit saint Jérôme, le démon ne pouvant souffrir cette salutaire ignorance du plaisir, tâche du moins d'en exciter le désir dans ses âmes, et leur en donne pour cela des idées si attrayantes, quoique très fausses, qu'elles en demeurent fort troublées, parce qu'elles se laissent imprudemment aller, ajoute ce Saint-Père, à estimer ce qu'elles ignorent. C'est ainsi que tant de jeunes gens surpris par une fausse et folle estime des plaisirs voluptueux, et par une curiosité sensuelle et inquiète, s'y livrent avec la perte entière de leurs intérêts temporels et éternels, semblables à des papillons, qui, s'imaginant que la flamme est aussi douce qu'elle leur paraît belle, vont étourdiment s'y brûler. À l'égard de l'état du mariage, c'est une erreur vulgaire et très grande de penser que la chasteté n'y soit pas nécessaire, car elle est absolument, et même beaucoup, non pas pour s'y priver des droits de la foi conjugale, mais pour se contenir dans leurs bornes. Or, comme l'observation de ce commandement « Fâchez-vous et ne péchez point » porte plus de difficultés que la pratique de celui-ci, ne vous fâchez point, par la raison qu'il est plus aisé d'éviter la colère que de la régler. De même, il est plus facile de se priver de tous les plaisirs de la chair que de les modérer. Il est vrai que la licence du mariage sanctifiée par la grâce de Jésus-Christ peut beaucoup servir à éteindre la passion naturelle, mais l'infirmité de plusieurs personnes qui s'en servent les font passer aisément de la permission à l'usurpation, et de l'usage à l'abus. Et comme l'on voit beaucoup de riches s'accommoder injustement du bien de leur prochain, non pas par indigence mais par avarice, l'on voit aussi beaucoup de personnes mariées qui, pouvant et devant fixer leur cœur à un objet légitime, s'emportent encore à des plaisirs étrangers par une incontinence effrénée. Il est toujours dangereux de prendre des médicaments violents, parce que si l'on en prend plus qu'il ne faut, ou qu'il ne soit pas bien préparé, la santé en souffre beaucoup. Le mariage a été institué et sanctifié en partie pour servir de remède à la cupidité naturelle, et si on doit dire que ce remède est salutaire, on peut dire qu'il est violent et par conséquent dangereux si l'on s'en sert sans modération et sans les précautions nécessaires de la piété chrétienne. J'ajoute que la variété des affaires de la vie et les longues maladies séparent souvent deux personnes que l'amour conjugal a unies. C'est pourquoi cet état a besoin d'une double chasteté, de l'une pour s'abstenir de tout plaisir dans les temps d'absence, et de l'autre pour se modérer dans les temps de présence. Sainte Catherine de Sienne vit entre les damnés plusieurs âmes excessivement tourmentées pour avoir profané la sainteté du mariage, non pas précisément par la raison de l'énormité de leurs péchés, puisque les meurtres et les blasphèmes sont plus énormes, mais par cette raison que ceux qui les commettent ne s'en font aucun scrupule et que par conséquent, ils y persévèrent durant toute leur vie. Vous voyez donc combien la chasteté est nécessaire à tous les états. Cherchez la paix avec vous, dit l'apôtre, et la sainteté sans laquelle personne ne verra Dieu. Or, remarquez que par la sainteté, il entend la chasteté, selon l'observation de saint Jérôme et de saint Chrysostome. Non, Philothée, personne ne verra Dieu sans la chasteté. Personne n'habitera en ces saints tabernacles qu'il n'ait le cœur pur. Et comme dit le Sauveur même, les chiens et les impudiques en seront bannis. Aussi, bienheureux sont, nous a-t-il dit, ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Fin du chapitre 12, troisième partie.